La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Nous avons tous éprouvé les bienfaits du silence et au cœur de nos vies hyperactives, les moments de calme sont particulièrement précieux. Eh bien, les neurosciences ont désormais tous les outils pour expliquer scientifiquement ce qui se passe dans notre cerveau lorsque s'installe le silence acoustique, mais également le silence attentionnel, visuel ou méditatif. Et pendant ces différentes déconnexions, notre cerveau bascule, on va le voir, dans un état très particulier, un état qui serait bénéfique pour la créativité, la mémorisation, voire la construction de notre moi. C'est ce que nous allons donc voir avec mon invité, le chercheur en neurosciences Michel de Van Kuen, qui publie chez Flammarion « Cerveau et silence, les clés de la créativité et de la sérénité ». On en parle dans un instant avec lui et vous pouvez lui poser toutes vos questions et témoigner sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ». Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et aujourd'hui à la Une de la Science, on va s'intéresser à l'histoire des langues. Oui, et plus particulièrement Mathieu, à comment les sons F et V sont apparus dans la bouche de nos ancêtres néolithiques. C'est une histoire de mastication qui va nous intéresser. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Bonjour Michel de Van Kuen. Bonjour Mathieu. Bienvenue, vous êtes chercheur en neurosciences à l'INSERM, vous travaillez au sein du laboratoire d'imagerie biomédicale, le LIB, et donc vous publiez ce livre « Cerveau et silence » chez Flammarion, un livre qui fait du bien rien qu'en le lisant, et tout a commencé pour vous, c'est ce que vous racontez, avec ce que vous pensiez être un accident vasculaire cérébral, vous en aviez tous les symptômes. Oui, tout à fait. Donc j'ai une ce qu'on appelle une paralysie faciale de Bell. Donc c'est une vraiment une paralysie d'une face de mon visage associée probablement au stress que j'ai vécu à ce moment-là. Donc la vie des chercheurs est pas de tout repos parfois. Ouais. Donc j'ai dû m'arrêter et pendant ce silence un peu nécessaire, d'une certaine manière, donc j'ai réalisé finalement que se déconnecter un peu, de s'arrêter, était quelque chose de très important. Et ça m'a donné l'idée d'écrire ce livre. En fait. Ouais. Alors évidemment, en tant que neuroscientifique, hein, vous aviez d'abord observé tous les symptômes de l'accident vasculaire, donc vous pensiez effectivement en être atteint, puis ensuite ça a été un autre diagnostic qui a été posé, et cette obligation au repos finalement a tout changé dans votre rapport aussi aux choses qui vous entourent. Non, ça m'a fait prendre conscience que finalement le cerveau a besoin de silence, en particulier mon cerveau avait besoin de silence à ce moment-là. Donc finalement le silence est quelque chose de fondamental, d'indispensable pour le bon fonctionnement cérébral. Donc comme je l'explique dans le livre, en fait, donc bien sûr il y a des multiples formes de silence. Il y a un silence qui est plus extérieur, il reviendra l'absence de nuisances acoustiques, mais il y a aussi un silence bien sûr qui est plus intérieur. Par exemple les moments où on se laisse un peu aller, on s'arrête d'une certaine manière, et on laisse son esprit vagabonder. Et effectivement, les neurosciences montrent bien que ces moments de déconnexion sont très importants au cerveau pour se régénérer, pour évacuer en particulier les toxines qui s'amassent dans son fonctionnement. Et c'est aussi très important pour certaines fonctions de base, comme par exemple la mémorisation, par exemple la créativité, et même en fait la construction de soi. Donc c'est des choses qui sont très importantes, et donc j'ai pris conscience moi-même, induit par cette petite maladie, que effectivement on a besoin de silence dans nos vies, et notre cerveau au niveau biologique en a besoin aussi. Et donc ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui les neurosciences ont les outils pour nous le montrer, hein. C'est que la science a exactement la preuve de ce que vous nous dites. Tout à fait, donc bien sûr partiellement, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels effectivement il y a un certain nombre de preuves scientifiques. Donc j'ai un peu mené l'enquête moi-même pour mieux comprendre quels sont les bénéfices des différents types de silence. Et effectivement, il y a des résultats scientifiques qui prouvent que dans certains cas, c'est le cas. Ouais, Michel Van Kuen, je suis sûr que ça parle à nos auditeurs, hein, ce besoin de calme, de silence. On va l'explorer avec vous dans un bon nombre de situations, et puis on va lire également les messages de tous ceux qui nous écoutent avec peut-être des témoignages sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé l'attaque, on se retrouve dans un instant. Merci. Pour produire le la petite lèvre du bas va venir toucher les dents du haut, comme si les dents du haut voulaient mordre la lèvre inférieure. Pour le V, on va utiliser un petit peu le même système. On rapproche lentement la lèvre inférieure des dents du haut. V. Voilà, pour illustrer la une de la science aujourd'hui avec l'apparition des sons F et V dans l'histoire des langues, une étude étonnante qui nous ramène au néolithique, Axel. Et oui Mathieu, c'est un peu « dis-moi ce que tu mangeais, je te dirai comment tu parlais ». Une équipe de linguistes démontre dans la revue Science que c'est l'invention de l'agriculture qui a permis l'apparition de ces sons F et V dans la bouche des hommes il y a 10 000 ans. Le fameux « va, court, vol et nous venge du Cid » aurait certainement été très compliqué à prononcer pour les hommes du paléolithique. Alors pour en discuter, nous sommes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon avec un des auteurs de ces travaux. Bonjour Dan Dédiou. Bonjour. Vous êtes linguiste, enseignant-chercheur pour l'université Lyon 2 au laboratoire CNRS Dynamique du Langage. Alors cette idée que les sons F et V sont liés directement au mode d'alimentation, comment est-ce qu'elle vous est venue ? Il y a un très fameux linguiste qui s'appelle Hockett, et qui a proposé cette idée dans les années 80. Et cette idée dans les années 80 était issue pas très bien, et on a pensé d'utiliser les méthodes et les bases de données du 21e siècle pour vérifier si cette idée est vraiment fausse. D'accord. Donc c'est en cherchant de déconstruire cette idée, en cherchant à la déconstruire, que vous avez fini par l'adopter. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que la science marche, oui. Comment est-ce que vous avez procédé alors pour essayer de démonter cette hypothèse ? On a utilisé plusieurs méthodes parce que cette hypothèse est assez complexe. Et on peut parler de chaque méthode si vous trouvez ça intéressant. Mais en principe, donc, on a utilisé des méthodes statistiques qui testent la corrélation entre la production de la nourriture et les langues parlées par les sociétés. Mais aussi des modèles biomécaniques qui simulent la production du F et du V. Oui. Et aussi bien une analyse historique qui essaye de reconstruire la probabilité que les langues anciennes avec du F et du V. Comment on fait des statistiques avec des langues ? Oh, c'est pas assez simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire une corrélation, qui peuvent générer une corrélation qui n'est pas causale. Donc en principe, on doit utiliser beaucoup de langues, donc presque 2000 dans notre cas, où on code le type de production de la nourriture, donc agriculture ou pas. Et après, on a des bases de données assez importantes qui décrit les langues parlées par cette communauté. Et après, on fait de la statistique moderne, donc vraiment des méthodes bayésiennes qui vérifient que cette corrélation, ça existe et est vraiment significative. D'accord, donc ça c'était la première étape. Après, vous avez dit que vous avez fait de la reconstruction crânio-faciale. C'est-à-dire que vous avez essayé de voir comment parlaient les hommes il y a 20 000 ou 50 000 ans ? Donc vraiment, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser un modèle biomécanique, donc un modèle qui simule les os et les muscles et tous les tissus et tout ça, et où vraiment on a construit deux anatomies, une anatomie, disons, des populations qui pratiquent l'agriculture, donc comme nous, et aussi une anatomie des populations qui ne pratiquent pas, donc l'autre anatomie, si on veut dire comme ça, si on veut avoir une distinction binaire. Oui. Et après, dans ce modèle, ce qu'on a fait, c'est vraiment de produire le même son avec les deux configurations différentes et vérifier si l'effort musculaire, l'effort qui est nécessaire, est le même. Et on a trouvé, bien sûr, que ce n'est pas le même. Donc, la conclusion, c'est que c'était plus compliqué, plus difficile de faire des F et des V pour les hommes qui n'avaient pas encore inventé l'agriculture. Oui, exactement. Et on parle ici de l'effort musculaire. Oui. Donc, c'est ça vraiment c'est quoi la différence entre les deux anatomies. Mais qu'est-ce que l'alimentation a changé dans tout ça, alors ? Or, l'alimentation a des effets assez intéressants sur notre organisme, sur l'architecture de notre visage. Donc, premièrement, si on mange une nourriture qui est plus dure, qui est plus fibreuse, qui a besoin de plus d'efforts de mastication, ça va avoir plusieurs effets. Donc, premièrement, ça va éroder une érosion des dents. Et deuxièmement, ça va avoir un effet sur la croissance de la mâchoire. Et les deux effets qui sont pas nécessairement liés vraiment entre eux, ça arrive au même résultat du point de vue de l'articulation des sons. Et les résultats, c'est vraiment le type de rencontre entre les dents inférieures et les dents supérieures. D'accord. Et Dan Dédiou, on peut imaginer que la culture des céréales, par exemple, au néolithique, a pu participer à ce changement ? Ah oui, bien sûr. Donc, c'est très important de réaliser que l'alimentation des populations néolithiques était assez uniforme si on compare avec les populations hunter-gatherer, chasseurs-cueilleurs. Oui. Et en plus, on parle aussi du processing de la nourriture. Donc, par exemple, si en plus on produit, par exemple, du pain, si on processe la nourriture, parce que ça va changer complètement les propriétés mécaniques. Est-ce qu'on peut imaginer, après votre découverte, que par exemple, à notre époque, la dentisterie va modifier notre façon de parler? Ça, c'est une question assez intéressante. Et bien sûr, ça, c'est de la spéculation, c'est mon opinion, mais oui, je le pense bien. Mais on doit attendre peut-être 2 ou 3 générations, je ne sais pas. Donc, Mais ça pourrait changer quoi, concrètement? Ça dépend bien. Donc, j'ai pas d'hypothèse claire, mais, mais si on regarde, il y a des standards de beauté qu'on essaye d'émuler, par exemple, dans pour les adolescents et tout ça. Donc, on essaie d'avoir des dents parfaites. Et en principe, oui, ça peut avoir des effets articulatoires, mais peut-être très petits, et peut-être on doit attendre, je vous ai dit, des générations pour voir. Donc il faut qu'on se donne rendez-vous dans plusieurs générations d'âme de Dieu. Hein, pour ce refaire. Sera pour les prochains chercheurs alors. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas votre étude a fait beaucoup de bruit, hein. On l'a vu vraiment absolument partout reprise et on voulait absolument parler avec vous aujourd'hui à la Une de la Science. Merci beaucoup à vous, merci aux équipes de Lyon. Oui. Et Axel, on se retrouve demain. À demain, au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Karen Uhlenbeck devient la première femme à recevoir le prix Abel en mathématiques, prix très important. Professeure émérite à l'université d'Austin au Texas, spécialiste de l'analyse des équations à dérivées partielles. Elle a également été la première femme à entrer à l'Académie américaine des sciences en 1986. Le comité norvégien du prix Abel a commenté son choix par ces mots. Le travail de Karen Uhlenbeck a conduit à certaines des avancées en mathématiques les plus importantes de ces 40 dernières années. Chapeau, madame! L'homme est-il réellement capable de ressentir le champ magnétique terrestre? Une étude américaine publiée mardi dans la revue InEuro pense l'avoir enfin démontré à l'aide de plusieurs aimants géants, à l'intérieur desquels 34 participants ont été installés, équipés d'un électroencéphalogramme. On le sait, de nombreux animaux sont sensibles aux variations du champ magnétique terrestre, mais si c'est également notre cas, eh bien, reste à savoir si c'est parfaitement inconscient ou si cette aptitude impacte notre comportement ou nos actes. Et puis les lapins adorent l'ADN, les chercheurs londoniens se sont intéressés au choix alimentaire de ces dévoreurs de verdure et ils démontrent que quand le choix se présente, eh bien les lapins vont de préférence manger des plantes qui contiennent beaucoup d'ADN, une quantité qui peut varier jusqu'à 2400 fois d'une espèce à l'autre en fonction du nombre de chromosomes et de cellules qui composent justement la quantité présente dans la nourriture. À l'inverse, les gastéropodes comme les escargots préfèrent eux les espèces pauvres en ADN. Allez, cerveau et silence dans un instant. You look at me now with those hollow eyes, sockets and smile, and it seems all a lie what they've told me so far. And you show me that life isn't all about extending your time. No, it's the perfect time for a bottle of wine. And why do I still care about all my recall me? For everything dies, so does memory. And why am I still surprised about all who pray their sins away? Aren't they too part of this grand ballet? coat, but then without all the fur, I wonder would it fit me? What do you think I prefer? You know, some people draw to not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We either think they aren't smart, it could be something I missed. Right then, she kisses my skin. I don't know. Cigare, c'était la voix de Tamino. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Je me demande si silence se pratique, parce qu'il nous est souvent imposé. La société moderne nous impose un tel nombre de bruits, de sons, que le silence, a priori, apparaît simplement comme la cessation du bruit. Or, ce n'est pas ça, le vrai silence, bien entendu. Alors, le pratiquer, ça voudrait dire qu'on le maîtrise d'une certaine façon. Je n'ai pas pouvoir de supprimer les bruits que le monde fait autour de moi. Mais je peux déjà avoir peut-être pouvoir de supprimer éventuellement ou d'apaiser les tourments ou les tempêtes intérieures qui font aussi du bruit, même si on ne les entend pas immédiatement, et si les autres ne les perçoivent pas. Et le troisième stade, qui est le plus important, c'est celui, alors, qui consiste effectivement à le rechercher et à l'obtenir. Alors ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Voilà, c'est la voix de Jacques Lacarrière en 2002 au micro de France Culture dans un sujet consacré aux arpenteurs du silence. Il y a beaucoup de choses dans ce que vient de nous dire justement Jacques Lacarrière. Michel Levenquen, ça fait évidemment écho à votre ouvrage « Cerveau et silence, les clés de la créativité, de la sérénité ». C'est chez Flammarion et les auditeurs nous rejoignent aussi avec des messages certainement pour nous faire part de leur propre expérience du silence avec franceinter.fr, bien sûr, et le mot-clé d'attaque pour nous rejoindre. Il y avait beaucoup de choses effectivement dans ce qu'on vient d'entendre. L'expérience du vrai silence, vous considérez finalement l'avoir faite ou pas? Bon, ça c'est une large question. Je pense qu'il y a différentes formes de silence. Il y a des silences qui sont un peu plus superficiels, d'autres qui sont plus profonds. Évidemment, donc il y a une variété de silence. Donc, d'après moi, le silence extérieur, c'est-à-dire de réduire un peu les nuisances sonores à l'extérieur, quelque chose d'important qu'on peut arriver à trouver même dans les grandes villes. Mais effectivement, il y a un silence qui est aussi plus intérieur, qui est celui, par exemple, des moments de lâcher prise, dans lesquels, finalement, on laisse, par exemple, son esprit vagabonder. Et ce sont des silences aussi qui sont importants, parce que c'est une manière un peu de réduire le bruit de fond de ses propres pensées. Et je pense que ça a été... C'est ça dont on parlait de... Donc ce véritable silence intérieur, un silence probablement qui est difficile parfois à obtenir et qui demande finalement un long cheminement probablement. Oui, alors il y a le silence intérieur et puis il y a le bruit intérieur. Hein. Jacques Lacarrière, il faisait allusion aussi. La tempête qui peut nous secouer aussi dans un silence extérieur apparent. Hein. Oui, bon... Néanmoins, bon, je pense qu'il est important de parler du silence auditif. Je pense que c'est un des problèmes auxquels on souffre au quotidien. Bon, il faut pas oublier que Paris est une des villes les plus bruyantes du monde. Donc, classée en 9e position après Pékin et Mexico et en 2e position européenne après Barcelone. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup de bruit à Paris. Et le problème pour moi, c'est déjà que ces hauts niveaux de bruit, en fait, sont déjà un gros problème pour les oreilles. Donc, 80 à 85 dB. 85 décibels, en fait, on parle du seuil de risque. Oui. C'est-à-dire que c'est le bruit d'un aspirateur allumé, plus ou moins. Et donc, effectivement, à ce moment-là... C'est un aspirateur très bruyant, quand même. Bruyant, on en fait des moins bruyants aujourd'hui, quand même. Oui. Mais c'est haut niveau de bruit, en fait, endommage l'oreille. Et en fait, il y a des chiffres de l'OMS, par exemple, qui indiquent que 11% des Parisiens, en fait, sont confrontés à un niveau de bruit qui est au-delà, en fait, des normes réglementaires, qu'on fixe à 68 décibels, par exemple. Donc, c'est un problème, à mon avis, de santé. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que même des bruits moins intenses peuvent avoir un effet sur l'organisme. Vous pensez à quoi en particulier ? Ce qui est important, c'est en fait, c'est un peu évident, mais les oreilles n'ont pas de paupières. C'est-à-dire que c'est un sens qui est toujours actif, même pendant le sommeil. Et même, donc, on peut expliquer cela par le fait qu'il y a des millions d'années, en fait, lui était en fait un système d'alerte, d'alarme, en fait, pour l'organisme. Donc, il nous prépare d'une certaine manière à l'action. Et donc, il émet, dès qu'on a un bruit, un certain nombre d'hormones associés au stress sont libérés dans l'organisme. On parlait des chasseurs-cueilleurs tout à l'heure, mais c'est ça, hein, finalement, c'est un sens qui était particulièrement aiguisé à ce moment-là. Hein. Et donc le problème, c'est que l'accumulation en fait, de ces hormones dans le corps en fait, est nocive, donc ça réduit un peu les défenses immunitaires, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Et donc il y a un résultat tout récent, un chiffre tout récent qui est donné par l'Agence européenne de l'environnement, qui indique en fait, qu'il y a à peu près 10 000 morts prématurées par an en Europe associées à des hauts niveaux de bruit. Donc vous voyez, c'est même des bruits de moins grande intensité ont un effet sur l'organisme et donc de réduire un peu le bruit. Donc quel est un peu l'antidote à ces effets néfastes du bruit ? C'est avant tout en fait le silence. Mmh. Par exemple, un chercheur italien qui s'appelle Luciano Bernardi a montré que 2 minutes de silence étaient suffisantes pour ralentir en fait les battements cardiaques, ralentir la respiration et donc c'est un effet qui est relativement immédiat. Ce qu'on sait aussi, c'est que rien n'est mieux finalement de sortir un peu du bruit des grandes villes en fait pour se régénérer, en particulier dans le silence de la nature. Donc beaucoup de résultats suggèrent effectivement que le silence qu'on a dans la nature est particulièrement apaisant. Mmh. Et c'est un peu un paradoxe parce que le silence absolu n'existe pas véritablement. Quand vous allez dans la nature, vous avez des tout petits sons qui sont présents. Donc finalement, la nature, le silence de la nature est rempli de petits bruits en fait. Ouais. Et ça dépend quelle nature, parce que quand on va par exemple dans la forêt tropicale, là, le bruit est quasiment assourdissant, tout à le fait. Bruit de la forêt. Tout à fait. Ouais. Mais donc dans une forêt européenne, en fait, il y a plein de petits bruits qui sont... Et une des hypothèses que je fais dans mon livre, c'est que les effets bénéfiques un peu de ces bruits de la nature sont associés en fait à un phénomène physiologique qu'on appelle l'ASMR. Donc c'est un mot anglais qui signifie l'Autonomous Sensory Meridian Response. Donc on pourrait traduire en français par réponse culminante sensorielle. Mm-hmm. En fait, c'est cette sensation que vous avez en fait lorsque vous entendez des petits sons au bout de vos extrémités ou alors au niveau de votre cuir chevelu qui est une sorte de frisson musical. Vous voyez ? Donc ces petits bruits... d'une certaine manière évoque d'une certaine manière un sentiment très agréable de une sorte de frisson musical que vous ressentez lorsque vous êtes touché par une musique très très, très belle. Eh bien on sait que ce frisson musical est associé en fait à la sécrétion, à la libération de dopamine dans le cerveau. Donc c'est probablement en fait ces petits bruits de manière paradoxale de la nature qui sont si bienfaisants en fait. Michel Amanquen, on va faire un tout petit peu de bruit avant de replonger avec vous dans le silence. On va écouter l'extrait du journal de France 2, c'était en février 2018 autour du bruit comme un fléau. Monsieur Pironet est comme 9 millions de Français victimes du bruit. 150 fois par jour, et bon, c'est stressant, c'est sûr. Hein. Ah ça, non, on ne peut pas s'habituer. Non. Et pas moyen de faire la grasse matinée. Ça commence à 6h du matin, tous les jours de l'année. Nous sommes à Villeneuve-le-Roi, à côté d'Orly, une des villes les plus bruyantes de France. Comment lutter contre ces nuisances ? C'est le travail de ces spécialistes. Ils mesurent les bruits. Le bruit des villes est une agression, au-delà de 65 décibels. Cet avion, c'est plus de 80. Mais il y a plus fort. 94 décibels. Et voici ce qu'ils en font. Une carte très précise des bruits sur toute la ville. Une carte qu'ont l'obligation de faire toutes les grandes agglomérations pour limiter ces nuisances. Ça a des conséquences économiques parce que quelqu'un qui dort mal, par exemple, il va développer des maladies, ça génère un coût pour la société. Ce coût, il a été évalué par le Conseil national du bruit l'année dernière à 57 milliards d'euros chaque année. Voilà, le bruit fléau, hein. C'était donc un reportage de 2018 qui rejoint ce que vous nous disiez à l'instant, Michel de Van Keun. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on le disait tout à l'heure, hein, que suite à une paralysie du visage, ce qui vous a conduit au repos justement, à la demande des médecins, eh bien vous avez eu cette réflexion autour de finalement du silence, de la déconnexion, et que évidemment ça prend un écho tout à fait particulier aussi dans votre travail de neuroscientifique. Alors on a beaucoup de messages d'auditeurs qui arrivent. André nous dit, en voiture j'écoute la radio, mais je dois m'arrêter, mais si je dois m'arrêter pour consulter la carte, j'ai l'impression que le son de la radio brouille mes pensées et donc je la coupe, comme si le silence était nécessaire pour entendre mes propres pensées, dit-elle. Oui, tout à fait. Donc, de réduire un tout petit peu le silence extérieur, donc ces bombardements d'informations. Donc, ce silence, ces nuisances sonores ne sont pas forcément aussi que des nuisances auditives, en fait. Finalement, dans notre société, notre cerveau est exposé par une sorte de bombardement d'informations, de sollicitations. Donc, dans mon livre, j'associe, en fait, tout ce bruit de fond numérique également à ce bruit, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que ces surstimulations de nos cerveaux font que ça perturbe l'attention. On en reparlera peut-être tout à l'heure, et ça épuise nos cerveaux, d'une certaine manière. Oui. Donc, on est moins capable, d'une certaine manière, d'être à l'écoute de soi-même si on est dans un environnement très très bruyant, en fait. Et on va voir que le cerveau au repos est quand même très actif, hein, justement, et pour notre bénéfice. Et ben, ce que vous nous dites finalement, c'est qu'il faut essayer de refaire l'apprentissage du silence, hein. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, hein. Oui, effectivement, il faut faire une certaine manière l'expérience du silence déjà, et effectivement de voir finalement qu'il y a des effets, des bénéfices qui peuvent apparaître très vite, comme je vous l'ai dit. Oui. 2 minutes de silence, donc je parlais de silence complet, c'est-à-dire que le chercheur dont je parlais indiquait que c'est 2 minutes de silence et pas 2 minutes de musique relaxante. Vous voyez, bien sûr. Donc l'effet probablement est finalement assez rapide, mais effectivement il faut se prendre le temps de parfois un tout petit peu de s'isoler, de faire une petite pause, en fait. Alors Nadine nous écrit et nous dit « Hélas, je n'ai plus accès au silence. Depuis 30 ans, je souffre d'acouphènes et j'ai constamment besoin de musique, de la radio, justement, pour essayer de ne pas y penser. Je suis très fatiguée, dit-elle, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, évidemment, dans son message, parce que ça, c'est une atteinte qui est très difficile à vivre, hein, les acouphènes. Tout à fait. Donc, c'est souvent donc une conséquence de l'exposition à des hauts niveaux de bruit. Oui. Donc, au début, en fait, on a ces sifflements dans l'oreille qui sont des acouphènes. Et ensuite, si vous êtes exposé de manière permanente au bruit, vous avez une fatigue auditive, une augmentation du seuil de l'audibilité et finalement une perte parfois définitive de l'audition. Donc il y a toutes sortes de conséquences et effectivement tout est irréversible. Donc c'est très important de préserver en fait ce sens. En fait. Nathalie nous dit « Je fais de la méditation, j'ai pu expérimenter que le silence lors de ces séances m'a apporté beaucoup de sérénité et surtout un ralentissement des pensées négatives. » Et là aussi, hein, vous l'expliquez, on y reviendra tout à l'heure abondamment, mais c'est vrai que sur la rumination par exemple, la posture de la méditation peut aider à s'en détacher. Oui, tout à fait. Donc, c'est une manière un peu de réduire un tout petit peu. Donc, c'est un peu ce silence intérieur dont je parlais tout à l'heure. Donc, il s'agit un peu de réduire ce bruit de fond des pensées, de réduire un peu ce bavardage mental, cette petite voix qui nous dit toujours de faire mieux et de faire plus. Et donc, effectivement, la méditation, mais aussi d'autres formes de silence intérieur. Par exemple, la relaxation physique, le fait de se sentir bien, ou alors la rêverie dont peut-être on parlera tout à l'heure. En fait, ce sont des moments de lâcher prise dans lesquels, d'une certaine manière, on arrive à une forme de petite silence intérieur, en fait. Ouais. Et tout ça est extrêmement important à tous les âges de la vie, hein, quand on parle de rêverie, évidemment, de l'enfant jusqu'à la personne âgée. On en discute dans un instant avec vous, Michel de Van Keun. Vous êtes notre invité autour du cerveau et du silence. Ce livre paraît chez Flammarion. On écoute Les Mains d'Or de Bernard Lavillier et on se retrouve dans un instant. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents. Monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier, voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et maintenant, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Les mains d'or, Bernard Lavillier sur France Inter. Mais écoute, je t'assure, je peux pas dormir à la fenêtre ouverte. J'ai besoin de silence. La tête carrée. On a tous besoin de silence, Michel Evenkuen. Hein. C'est oui, un sujet fait. Qui nous réunit tous, hein, évidemment. Parce que quand on en fait l'expérience, finalement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point ça fait du bien. Tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, le cerveau a besoin de silence, justement, pour fonctionner. Ça fait du bien. Ça régénère d'une certaine manière le cerveau. Ça lui permet en particulier d'évacuer des toxines qui s'amassent. Donc, effectivement, ça fait du bien biologiquement d'une certaine manière. Ouais. De quelle façon ça fonctionne, justement, ce nettoyage des toxines-là que vous évoquez? Donc, voilà. C'était un des mystères, finalement, des neurosciences, de savoir comment, en fait, quand vous êtes le cerveau fonctionne à plein régime, il consomme beaucoup de glucose. En fait, donc, ça crée beaucoup, en fait, de détritus d'une certaine manière. Ce sont des protéines qui sont liées à l'activité du cerveau, des neurones. Mais ce sont de vrais détritus. Ce sont des protéines qui s'amassent, ouais. Liées à l'activité liées à cette consommation de glucose. Mmh. Et le fait de, donc, les neurosciences ont longtemps posé la question, comment fait le cerveau pour se nettoyer? Parce qu'en fait, le cerveau n'a pas de système lymphatique. Donc le système lymphatique, c'est ce qui vous permet d'évacuer, en fait, ouais. De drainer d'une certaine manière par la lymphe les déchets qui s'accumulent dans votre organisme, dans ouais. Les différentes parties de votre corps, et de les mettre dans la circulation sanguine. Le problème, c'est que dans le cerveau, en fait, il n'y a pas de système lymphatique. Et en fait, la découverte de la manière dont le cerveau se régénère, la manière dont il évacue ses toxines, en fait, a été faite tout récemment, en 2012, par une chercheuse américaine de l'université de Rochester qui s'appelle Maiken Nidagat, qui en fait, a découvert, c'était pour moi vraiment une découverte, un nouveau système qui s'appelle le système, qu'elle a appelé le système lymphatique, en référence en fait aux cellules qui composent ce réseau d'évacuation qui s'appelle les cellules gliales. Ouais. Les cellules gliales, ce ne sont pas des neurones dans le cerveau, c'est une sorte de cellule de maintien du cerveau, et ces cellules, par le biais d'un liquide qui circule, qui s'appelle le liquide céphalo-rachidien, et bien ce liquide draine les protéines qui sont liées à l'activité du cerveau. Est-ce que Maiken Nidagat a observé, qui était à mon avis, qui est vraiment quelque chose de crucial, c'est que cette évacuation des déchets, donc ce tout à l'égout oui. Cérébral, en fait, il est le plus actif lorsqu'on se repose, en particulier pendant le sommeil, ah, oui. Mais également pendant la veille calme. Donc si vous reposez, vous respirez tranquillement, eh bien, votre cerveau prend une sorte de douche qui permet d'une certaine manière l'évacuation de ces déchets. Oui. C'est très important, c'est d'ailleurs une piste thérapeutique dans certains cas, en particulier dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Ah oui. Donc la maladie d'Alzheimer, vous avez des accumulations de protéines qui se font dans le cerveau, qu'on appelle les protéines tau, ou alors les bêta-amyloïdes qui s'accumulent. Hein. Ah, oui. Et beaucoup de chercheurs travaillent en fait sur la manière dont on pourrait en fait stimuler ce système d'évacuation pour essayer d'évacuer en fait ces protéines. Donc le silence, le calme, la respiration pourraient y participer. Le sommeil et le calme pourraient participer. Bien sûr, on ne peut pas guérir l'Alzheimer par le silence, mais ça pourrait effectivement permettre un certain nombre de peut-être de ralentir un peu l'évolution de la maladie. Oui. Michel Levandequen, vous nous parlez d'un compositeur qui s'appelle John Cage pour justement nous montrer que le silence absolu est bien difficile à trouver et il en a fait l'expérience. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Donc il a donc c'était une sorte de d'obsédé du silence. C'est un musicien qui était très radical. C'est un musicien, John Cage, et c'est un musicien minimaliste. Et en fait, toute sa quête musicale a été de chercher une sorte de silence absolu. Oui. Donc en fait, il a visité en fait à Harvard ce qu'on appelle une chambre sourde, une chambre anéchoïque, qui permet en fait d'éviter en fait tous les sons de l'environnement et aussi par des angles brisés de permettre d'éviter en fait d'entendre ses propres sons. Et il cherchait dans cette chambre, d'une certaine manière, le silence absolu. Et sa constatation, c'était que, finalement, le silence absolu n'existe pas parce qu'en fait, il s'est entendu lui-même. Il entendait les sons de son corps. Les sons de son corps, les sons de son oreille. Donc, en fait, il a entendu beaucoup de sons de manière très intensive pendant cette expérience. Donc, ça lui donnait l'idée, finalement, que le silence absolu n'existe pas. Et une pièce qu'il a composée, qui me semble une des pièces les plus radicales de l'histoire de la musique, qui s'appelle 4 minutes 30 et je l'ai vu une fois, c'est absolument incroyable. C'est que, par exemple, vous avez un musicien qui vient sur la scène devant un piano, il s'assoit sur le piano et pendant 4 minutes 33, en fait, il ne fait rien. Et ensuite, il se lève et il salue le public. Donc, c'est une musique qui finalement n'existe pas. C'est le titre qu'on aurait le plus de mal à passer à la radio, tout à quand fait. Même. Hein. On pourrait essayer de le passer un jour. J'attendais peut-être que contente l'expérience. Contente l'expérience. Oui. Mais en fait, l'idée de John Cage, c'était que les bruits de la salle, le bruit du public, le bruit des instruments qui craquent d'une certaine manière, tous ces petits bruits, en fait, c'est la musique elle-même. Donc, c'est une position extrêmement radicale et très, très intéressante. Absolument. Oui. On va écouter sa voix, justement, John Cage, en français. C'était à l'occasion du Festival du Château de Ratilly en 1970, autour de son premier livre qui s'appelait justement « Silence ». Voici ce qu'il en dit. Ce qu'il nous faut, c'est le silence. Mais ce qu'il faut en silence, c'est que je continue de parler. Pousser un peu n'importe quelle pensée, elle tombera facilement. Voulez-vous qu'on discute tout à l'heure? Ou bien, nous pourrions décider simplement de ne pas discuter, comme vous voudrez. Mais, maintenant, il y a des silences. Et les mots aide à faire les silences. Cette espèce de temps est organisée. Nous n'avons pas à craindre ces silences. Nous pouvons les aimer. Voilà, Michel Levandequen. Et il nous en offre d'ailleurs, John Cage, des silences dans cette lecture, hein, entre les mots. Tout à fait. Et ils sont précieux. Oui, effectivement, le silence fait partie du langage. Donc c'est par les silences, comme je l'explique dans mon livre, que les mots peuvent se distinguer. Donc finalement, lorsqu'on parle, on utilise le silence d'une certaine manière, on fait ces petites pauses qui permettent d'une certaine manière la communication. Donc effectivement, il parle très bien du silence. Il ne vous a pas échappé dans cet ouvrage que le silence à la radio fait plutôt peur, hein, il nous inquiète. Tout à fait, le silence fait peur. Il est très peu présent, évidemment, puisque on est là pour écouter de la musique ou pour parler, évidemment, mais que tous les espaces de silence sans tout de suite, enfin, il suffit d'arrêter de parler pendant 5 secondes pour que tout de suite on voit nos confrères techniciens courir dans les couloirs pour voir ce qui se passe. Donc je rappelle dans mon livre, je crois en 2011, il y a eu un gros problème technique à Radio France qui a pendant une demi-heure, je crois, arrêté la transmission des ondes. Et effectivement, c'était une situation catastrophique. Les auditeurs ont téléphoné de manière scandalisée. Et donc effectivement, c'est une situation qui les blancs à la radio effectivement pose un problème et donc mais nous en avons tous fait l'expérience à ce moment-là, c'était pas inintéressant malgré tout. Ouais. Brigitte nous dit: je suis prof dans un lycée d'une petite ville depuis 35 ans et je constate que nos élèves vivent de plus en plus dans le bruit permanent quand ils ne sont pas en cours, où ils bavardent, ils écoutent de la musique avec leurs oreillettes. Or, je les trouve de plus en plus déconcentrés, de moins en moins imaginatifs, rigoureux et performants, et moi je fatigue, dit-elle, de plus en plus, une journée de cours m'épuise. Alors, est-ce qu'on est dans une ère aujourd'hui, dans une civilisation vraiment du bruit permanent? Oui, tout à fait. Donc, d'après moi, en fait, on vit dans une sorte d'économie de l'attention. Je crois que vous avez une émission autour de ça récemment. Oui. Donc, finalement, un des objectifs finalement de beaucoup d'entreprises du numérique, c'est d'accaparer l'attention des clients. Donc, il y a une sorte de surcharge de stimulation. Et effectivement, nos cerveaux sont bombardés d'informations, de sollicitations, de distractions d'une certaine manière. Mm-hmm. Et à un moment donné, en fait, cette surcharge fait que, bien, l'attention est perturbée et les cerveaux s'épuisent d'une certaine manière. Et c'est bien connu au niveau du monde du travail. Donc, dans mon livre, je rapporte par exemple les travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Gloria Mark, qui est très, très, très intéressante, qui a étudié en fait les open space. Oui. Donc, ces environnements de travail dans lesquels. Ça va parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Exactement. Dans ces open space, elle s'est rendue compte que les salariés, en fait, pouvaient travailler sur une tâche pendant seulement 11 minutes. Oui. Donc, pendant 11 minutes, vous êtes concentré sur une tâche avant d'être interrompu par une autre tâche. Elle a aussi 11 observé, minutes, ça paraît même beaucoup déjà. C'est beaucoup, effectivement, mais c'est. La durée qu'elle a estimée et ce qu'elle a observé, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il faut environ 25 minutes pour de nouveau se concentrer sur la tâche après l'interruption. Donc vous comprenez que l'accumulation de ces interruptions, de toutes les demandes qui sont associées, font ce que les psychologues appellent une surcharge cognitive. Mmh. C'est que vous avez ce sentiment qui est une véritable douleur physique parfois, d'avoir l'impression de faire trop de choses à la fois. La consultation du portable, on est aussi un exemple. Je crois qu'on consulte plus de 200 fois par jour le téléphone portable. Donc le 221 fois, je crois, d'après une statistique, et probablement c'est une tendance à la hausse. Mmh. Les Américains parlent aussi donnent un mot à ça. Les Américains aiment bien donner des mots d'une certaine manière en psychologie. Mmh. Ils appellent ça le FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out, la peur de rater quelque chose. Effectivement, on est tous un peu dans cette inquiétude que si on regarde pas les réseaux sociaux, si on n'écoute pas la radio, et puis on passe à côté de quelque chose. Donc on vit dans cette inquiétude permanente qui pose peut-être probablement sur le long terme un problème. En fait. Patrice nous écrit: durant la nuit, le silence total peut présenter paradoxalement une certaine gêne. Il met en éveil tous nos sens et provoque l'idée fausse qu'un moindre bruit non identifié peut être révélateur d'un problème. Tout à fait. Donc, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que, il y a une étude qui a montré qu'une exposition, une exposition à des petits bruits. Donc, une étude a montré des bruits à 53 décibels pendant la nuit. En fait, c'est le bruit d'un bureau calme environ. Eh bien, si vous regardez le taux de cortisol le matin, eh bien, vous voyez une augmentation anormale. C'est-à-dire que des petits bruits dans la nuit, de manière permanente, entraînent, en fait, une accumulation d'hormones du stress, dans l'organisme qui a des effets néfastes. Et selon Bruit Paris, donc, c'est l'office français qui mesure en fait le bruit sur la région parisienne, eh bien on perd plusieurs années d'espérance de vie en fait lorsque vous êtes soumis à des bruits permanents au-delà de 60 décibels, ce qui a été défini. Michel Van Kuen, vous êtes avec nous cet après-midi dans La Tête au Carré pour parler du silence et de ses effets sur notre cerveau. Aurel San, c'est tout de suite, la fête est finie. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. qui sait ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois mâts à arche. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta hâve. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. La fête est finie. On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? Sur France Inter. Yoshifumi Miyazaki a mis au point la thérapie forestière pour soulager les citadins toujours plus stressés, sans cesse stimulés. Les Japonais appellent ça le Shinrin-yoku. Non loin de Tokyo, ces randonneurs, pour à peine 10 euros, vont marcher 3 heures, accompagnés de guides formés à la thérapie forestière. Ah, il fait chaud. On a fait un quart de la randonnée. Et c'est juste le début. Pour nous, ce qui compte, c'est surtout d'être là, immergé dans la nature, dans la forêt. On a tellement perdu l'habitude d'en profiter. Mettez vos mains sur votre nombril. Et respirez avec votre ventre. J'essaie de ne pas penser, juste de ressentir les énergies. Voilà, extrait d'Envoyé spécial en 2017 avec cette technique venue du Japon et qui semble également séduire de plus en plus les pays occidentaux. Michel Le Van Kuen, payé pour aller se balader en forêt, on en est oui. Où là aujourd'hui? C'est quand même un petit peu étrange, non? Bon, c'est un peu étrange, les Japonais sont toujours un peu extrêmes, mais néanmoins... Effectivement, le silence de la nature, c'est finalement c'est ce qui est le plus réconfortant, le plus permet la régénération la plus facile. Donc le Shinrin-yoku, on le traduit en français de manière littérale par bain de forêt. Ouais, donc ouais. L'idée, c'est effectivement de marcher dans la nature, mais sans baladeur, sans téléphone portable, essayer de profiter au maximum de la nature. Vous voyez. Ouais. Donc vous faites attention au son, vous faites attention à la, à la manière où vous marchez, vous faites attention à votre respiration, et donc tout ça a des bienfaits qui sont avérés. Donc il y a plusieurs études au Japon qui montrent que, d'une certaine manière, cette pratique effectuée plusieurs fois dans la semaine permet d'avoir des bénéfices sur le système immunitaire, diminue aussi les risques de maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus du myocarde par exemple. Donc il y a des effets qui sont vraiment avérés de ce type de pratique. Donc c'est pas uniquement. On va demander à Radio France de mettre en place des bus pour nous emmener au bois de Boulogne entre midi et deux avec tout le monde. Ça nous fera du bien peut-être. Ouais. En tout cas, vous avez fait une expérience un petit peu extrême aussi, Michel Levent. Au Japon, à Kyoto, vous racontez ça dans un monastère zen pendant plusieurs jours pour essayer justement de trouver le silence. Oui, tout à fait. Donc j'ai eu l'opportunité avec dans mes recherches de faire un séjour à Kyoto et j'ai profité effectivement de séjourner dans un monastère zen. Et donc effectivement, je suis très intéressé par la méditation, même avant en fait mon problème de santé. Et donc c'est une manière de rechercher le silence intérieur. Donc la méditation, c'est quoi en fait? C'est un silence intérieur, mais qui mobilise beaucoup plus l'attention. Donc c'est pas uniquement la relaxation ou le bien-être physique ou alors la rêverie, mais en fait, fait, c'est une pratique où l'esprit est calme, mais il reste vigilant. Et donc, dans la méditation zen, en fait, c'est une forme de pratique très radicale dans laquelle c'est une méditation sans objet, dans laquelle finalement, on dit qu'il faut simplement s'asseoir. Donc, il y a même un mot japonais pour ça, qui signifie s'asseoir tout simplement, donc, qui signifie finalement, il suffit de s'asseoir et d'être attentif autour de soi pour méditer. C'est le zazen aussi. C'est ce qu'on appelle le zazen, ouais, effectivement. Et donc, c'est une pratique très simple, finalement. C'est simplement de se mettre assis, immobile, et de faire un peu attention à ce qu'il y a autour de soi. Ouais. Ou bien d'aller couper du bois, ou bien d'aller faire la vaisselle, de faire le ménage, parce que ça aussi, c'est ce qu'on vous a proposé de faire là-bas, qui est une façon aussi de se retrouver dans le silence. Hein. Exactement. Donc, c'est le zen qui est une spiritualité un peu du quotidien. Donc, effectivement, tout est une certaine manière objet, une certaine manière de méditation, comme faire la cuisine, comme marcher, faire du jardinage. Ouais. Ouais. Allez, il y a beaucoup de questions des auditeurs. On va essayer de répondre très rapidement à Didier qui nous dit « J'ai eu l'occasion de travailler occasionnellement dans un caisson de mesure physique isolé de manière acoustique. Ce silence absolu est devenu insupportable au bout de quelques dizaines de secondes, écrit-il. Seuls les bruits de mon corps sont devenus présents. Ben, » C'est ce que vous décriviez tout à l'heure avec John Cage. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est déstabilisant parce qu'on n'entend pas en particulier les sons de sa propre voix. Et donc, certains sens sont un tout petit peu désorientés dans ces environnements-là. Mais moi, j'ai fait moi-même l'expérience de ce caisson. Et finalement, on peut rester quelques minutes sans devenir fou, comme certaines personnes le pensent. Ouais. Guido nous dit « Une nuit au milieu du désert, une expérience du silence extraordinaire. Vous avez soudain l'impression d'être devenu sourd. C'est assez fascinant, dit-il, à éprouver. » Je ne connais pas cette expérience. Oui. Et Marie qui nous écrit pour dire « Cela fait des années que l'on entend ces données sur les effets soit du bruit intense, soit du bruit permanent sur la santé. Du coup, c'est quand même invraisemblable, dit-elle, que l'on ne veuille pas reconnaître la pénibilité du travail des professeurs. Je parle notamment des enseignants en primaire et en collège. » Et les messages dans ce sens sont nombreux. Hein. Oui, tout à fait. Donc, peut-être je peux parler de quelque chose. C'est le bruit a aussi un effet sur le fonctionnement même du cerveau. Mmh. En fait, ça a été bien montré par une étude allemande. Et en fait, ils sont aperçus que les performances de mémoire, les performances scolaires des enfants ont commencé à être perturbées, s'effondrer après la construction d'un aéroport en fait près de Munich. Et en fait, ça a été avéré dans une grande étude sur plus de 2000 enfants et sur 90 écoles à proximité de trois grands aéroports européens. Ils sont aperçus effectivement qu'il y a une corrélation entre le niveau de bruit et puis les pertes de performance scolaire et aussi l'augmentation de la dyslexie. C'est-à-dire que effectivement le bruit, bon, pour les professeurs, mais aussi le bruit pour les enfants, affecte véritablement en fait le fonctionnement de leur cerveau. Vous rappelez ce qu'est le réseau par défaut. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est une façon de montrer que le cerveau, lorsqu'il ne fait rien, soi-disant d'ailleurs, est tout à fait actif et productif. Effectivement, on pourrait s'attendre à ce que lorsqu'on est dans ces moments de déconnexion, lorsqu'on est au repos, que le cerveau en fait ralentit ses activités, une sorte de mode d'économie d'énergie d'un ordinateur d'une certaine manière. En fait, c'est totalement le contraire. C'est pendant en fait ces moments de repos, lorsque nous on se repose, le cerveau en fait est le théâtre d'une activité intrinsèque extrêmement puissante. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Alors ça a été en fait observé pour la première fois par un Américain qui s'appelle Marcus Reichel en 2001, en fait, qui était la première personne qui a enregistré des participants dans un scanner qui faisait rien du tout. Donc un scanner à IRMF, donc une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et lorsqu'il a observé ces sujets qui ne faisaient rien du tout, il a observé des grandes vagues d'énergie dans le cerveau des participants. Donc ce sont des vagues qui sont à peu près 0,1 Hz, donc une grande vague toutes les 10 secondes. Et ces vagues, en fait, impliquent des régions très particulières, surtout des régions qui sont sur la face interne entre les deux hémisphères, qu'on appelle les régions mésiales. Et donc il a mis en évidence ce réseau par défaut. Il l'a appelé par défaut parce que il s'implique, il s'active par défaut lorsque l'attention des participants n'est pas en fait orientée vers une tâche particulière extérieure. Et donc c'est effectivement la première fois qu'ils ont observé cette. Et donc on voit qu'il y a une vraie consommation d'énergie encore. Exactement. Il a observé que ce réseau par défaut consomme pratiquement autant d'énergie que lorsque le cerveau tourne à plein régime, lorsque pendant une tâche cognitive par exemple. Il a même donné un nom à cette énergie. Il a appelé l'énergie sombre du cerveau. Comme dans le cosmos. Exactement. Donc, en référence dépense. Donc cette énergie que le cerveau dépense à rien faire finalement, lorsqu'on fait rien, attaché à aucune pensée particulière, mm-hmm. eh bien pour lui, il voit ça comme une énergie sombre, en référence à cette énergie du cosmos qui est à peu près à 70%, je crois, de l'énergie totale du cosmos, et donc on ne connaît pas du tout l'origine finalement. Ouais, absolument. Et c'est tout à fait précieux pour la consolidation, par exemple, de la mémoire. Tout à fait. Donc les vertus de ces moments, donc il y a plusieurs vertus, en particulier les vertus de la rêverie. Donc souvent, en fait, la rêverie a mauvaise réputation. On s'est moqué de la rêverie aussi. Je parle dans mon livre, par exemple, l'anecdote du mathématicien Thalès qui, à force de regarder les étoiles, il était littéralement dans la lune, et bien tombé dans un puits. Donc finalement, la rêverie a souvent mauvaise réputation. Mais dans les dernières années, les chercheurs ont compris en fait que la rêverie n'a pas que des inconvénients. Et il y a plusieurs en fait vertus de la rêverie, dont effectivement pour la mémorisation. Effectivement, les souvenirs ne constituent pas en fait des représentations qui sont une fois solides une fois pour toutes. Mmh. Elles ont besoin d'être fortifiées d'une certaine manière. Et ce qu'on sait très bien, c'est que la solidité des souvenirs est dépendante des moments où on rejoue d'une certaine manière l'expérience de manière interne. Et ça, c'est le moment où on rêve. Inviter nos auditeurs à replonger doucement et avec délice dans la rêverie. Et puis ce livre, Cerveau et silence, c'est pas ce sont les clés de la créativité et de la sérénité. Et cet ouvrage, vous le publiez chez Flammarion. Michel de Van Kuen, merci beaucoup d'être venu avec nous dans cette tête au carré. Fabrice Drouel, c'est à vous. Pas de silence entre nous. Attendez, j'ai réglé mon micro parce qu'il est tout près de moi. Voilà. Et dans un instant, Affaires Sensibles. Oui, imaginez que je vous prenne en otage. Comme je suis quelqu'un d'assez attachant, allez vous attacher. Oui. D'accord, vous allez être par votre ravisseur. Ravi. C'est le syndrome de Stockholm qui vient d'une histoire vraie qui s'est passée lors d'un braquage à Stockholm. Merci, on en parle dans un instant. Grégory Vallon était à la technique, il est 15h.